Racine de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter une interview réalisée par Jade Lingart, qui est journaliste à Mediapart. Et voilà, Jade Lingart qui interview Emily H, c'est une chercheuse qui a sélectionné et présenté le recueil de textes écoféministes intitulé Reclaim et qui a été publié aux éditions Cambourakis en 2016. Voilà, c'est un recueil de textes d'environ 400 pages sur ce mouvement écoféministe, c'est-à-dire l'articulation entre l'écologie et le féminisme qui naît aux États-Unis dans les années 70-80. Donc voilà, on va écouter cette interview et ce sera suivi d'une brève présentation d'autres textes et ouvrages écoféministes qui sont disponibles en français. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer cette émission par une lecture. La Hooker Chemical Company déverse son poison, jette ses ordures dans les veines de la terre à l'Off Canal. Les mères boivent à ses puits, les enfants dorment dans l'air parfumé des déchets enfouis. Les pères stériles fredonnent des berceuses aux enfants qui ne sont pas nés. Maria se réveille sur son oreiller toxique, trempée par les fluides de son corps pollué, sa chair enflammée, bouillonnante de douleur, comme si la terre en colère recrachait sa fièvre. Les prêtres et les prétendants prient. Ils n'ont pas peur du mal, pas peur du mal, peur, mal, mal, sur son corps, autrefois canal de l'amour. Emilie H, bonjour. Bonjour. Ce texte est extrait du recueil que vous publiez, Reclaim, recueil de textes écoféministes. Pourquoi avoir choisi notamment ce texte dans ce recueil ? Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, je dirais, parce que c'est un poème et que une des choses qui me tenait à cœur en fabriquant ce volume, c'était de rendre compte un petit peu de la tonalité très particulière des écrits que l'on pourrait cataloguer de manière assez large, écoféministe. Et il se trouve que ce mouvement environnemental et féministe appartient à toute une tradition de mouvements notamment féministes plus longs qui a toujours noué un lien très intime entre poésie et politique, et que ce poème là est en son sens vraiment est pour moi un des grands représentants. Peut-être que l'autre raison aussi, c'était que je souhaitais dans ce volume donc présenter ce mouvement de l'écoféminisme dont on va parler maintenant, mais je souhaitais également le présenter, pas seulement d'un point de vue d'histoire, des idées, très circonscrit, mais le présenter dans tous les liens qu'il pouvait avoir avec, de manière plus générale, les mouvements environnementaux faits par des femmes. Parce que, il me semble qu'on pourrait dire comme ça, l'écoféminisme, on va y revenir de manière peut-être évidemment plus précise après, mais c'est un mouvement environnemental qui est composé principalement de femmes, mais ce n'est pas le seul. Et ce poème que vous venez de lire, qui est un poème qui porte en effet sur un des scandales de pollution toxique les plus importants aux États-Unis dans les années 70-80, relève non pas ce qu'on pourrait appeler ce mouvement écoféministe, mais d'un mouvement qui était contemporain de ce mouvement écoféministe, qui s'appelle le mouvement de justice environnementale, et lui qui était vraiment focalisé sur... Enfin, qui a été ponctué par tous les scandales de pollution toxique aux États-Unis. Alors, ce scandale, c'était le scandale Love Canal, qui est le titre du poème que j'ai lu en introduction, qui a été écrit par une auteure, Janice Mirikitani, qui donc figure dans ce recueil. Alors, pour expliquer ce qu'est l'écoféminisme, vous écrivez une longue introduction à cette anthologie, et dans l'introduction, vous dites notamment que l'écoféminisme n'est pas une défense de l'environnement féministe, n'est pas un féminisme écologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment se mélange écologie et féminisme dans écoféminisme ? Je pense que pour le comprendre peut-être de manière assez simple dans un premier temps, c'est en fait que c'est d'abord un mouvement. C'est un ensemble de mobilisations politiques qui ont émergé autour du problème nucléaire. Il faut se remettre aussi dans le contexte. La fin des années 70-80, c'est la guerre froide, c'est la course à l'armement nucléaire et la possible guerre nucléaire entre les États-Unis et l'ex-URSS. Et ça, voilà, c'est le début, c'est bientôt l'élection de Reagan, c'est l'explosion d'un des réacteurs de la centrale nucléaire états-unienne de Three Mile Island. Bref, c'est l'écoféminisme, il naît de ça, c'est-à-dire qu'il naît en amont en amont du mouvement féministe des années 60, en amont du mouvement pour la paix des années 60 aussi, lié à la guerre du Vietnam, il vient aussi du mouvement environnemental, donc tous ces mouvements qui arrivent, et à un moment donné, un certain nombre de femmes qui étaient engagées à la fois pour le mouvement pour la paix et sur les luttes féministes, se sont très largement engagées autour d'un mouvement anti-nucléaire et ont commencé en se mobilisant, en bloquant des centrales nucléaires, en occupant des sites liés à de la recherche nucléaire, etc., à faire le lien entre leurs différents engagements politiques, c'est-à-dire à se rendre compte, à réfléchir collectivement à travers des textes, à travers des discussions, des textes historiques, des textes enfin de toutes sortes, que on pourrait dire la destruction généralisée de la planète qui est en train de se passer sous leurs yeux était certainement liée à un autre type de destruction qu'elles connaissaient très bien personnellement, puisque c'est l'oppression de manière plus générale des femmes, et que pour elle, en gros, pour le dire assez rapidement et simplement dans un premier temps peut-être, ça serait la même culture mortifère, militariste, qui serait en train de détruire l'ensemble des ressources vivantes, de les exploiter, etc., et qui, dans le même temps, aurait un rapport de haine et de violence, de disqualification, de dévalorisation à l'égard des femmes. Et dans votre introduction, vous expliquez bien à quel point c'est un paysage social et politique et intellectuel bouillonnant. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un mouvement unifié. Il y a des mobilisations de différentes manières, avec différentes aussi types de personnes, des militantes venant de classes populaires, des militantes plus intellectuelles, des théoriciennes, etc. Mais vous dites finalement, enfin vous proposez en tout cas d'essayer de réunir un peu tout ce monde vibrant des écoféministes sous un terme qui est le terme qui reclaim. Donc « reclaim » en anglais, qui donne le titre à ce recueil. Et « reclaim » en anglais, « se réapproprier », »,« reprendre à son compte ». Mais « se réapproprier » quoi et dans quel but ? Ce n'est pas moi qui m'approprie ce terme, c'est vraiment le leur. C'est, donc effectivement, vous le choisissez comme étendard. Tout à fait. Non, mais alors, je l'assume entièrement, mais ouais. Je ne voudrais pas m'approprier ce magnifique concept alors qui n'est pas le mien, mais qui est bien le leur. Je l'ai mis effectivement en titre d'une anthologie de traduction, ce qui peut paraître un peu étrange, mais le choix s'est fait sur le fait d'une part que bon, ça ne sera pas le premier terme qui nous viendra du monde anglo-saxon et qu'on récupérera notamment dans les mouvements féministes. On peut penser évidemment par exemple l'éthique du care ou à la notion d'empowerment que maintenant on utilise assez régulièrement sans forcément les traduire, pas par flemme ou par je ne sais pas quoi, mais parce que ce sont des termes qui ont une complexité, une richesse que l'on pourrait perdre en souhaitant les traduire. Et il m'a semblé que c'était la même chose avec ce terme-là qui revient dans tous leurs textes. Et à un moment donné, en cherchant un petit peu quel était le geste finalement des écoféministes, il m'a semblé que c'était celui-ci, qui est un terme au départ écologique, à savoir qui veut dire défricher, reprendre un terrain en mauvais état, l'assainir, le récupérer, et elle l'utilise, elle l'étend dans un sens plus large, politique, culturel, et il me semble que ça désigne bien ce qu'elles sont en train de faire, à savoir que reclaim, c'est pour elles, c'est reclaim aussi bien la nature que tout ce qui a été construit, historiquement construit, sociologiquement construit, et mis du côté des femmes. Contrairement peut-être à une tradition féministe dans laquelle on n'est pas toujours sorti forcément en France, et qui a plein de raisons, qui a une grande légitimité, on va dire que l'identification historiquement construite des femmes du côté de la nature pour les disqualifier. Hein. Les femmes sont, ne vont pas faire de politique ou n'auront pas de droit parce qu'elles n'ont pas véritablement une raison au même titre que les hommes et donc elles sont plus du côté de la nature. Elles ne peuvent pas faire, avoir des responsabilités particulières parce qu'elles seraient des femmes et qu'elles ont des enfants. Et donc c'est en tant que corps biologique plus proche de la nature, etc. Bon, toutes ces raisons-là, toute cette forme d'articulation négative et oppressive des femmes du côté de la nature et inversement, puisque on pourrait dire qu'une grande partie de la destruction de la nature dans toute la modernité et même en amont s'est faite aussi sur des arguments liés à sa féminité ou sa féminisation. C'est un des textes dans l'anthologie qui en parle très bien, qui est celui d'une historienne écoféministe qui s'appelle Carly Merchant, qui parle de ça, qui explique comment, au moment de la désacralisation de la nature, au tournant de la modernité, finalement, on peut légitimer un type de rapport à la nature beaucoup plus violent, beaucoup plus que l'on n'avait jamais eu auparavant, et ce, avec des métaphores en permanence féminines. On va dire, on va aller ouvrir le ventre de la terre, on va aller lui prendre ce qu'il y a à l'intérieur, des métaphores aussi souvent liées un peu au viol, etc. Bref, et face à cette articulation-là, les écoféministes ont un type de réponse qui est radicalement différent de ce qui avait pu être proposé jusqu'à présent. À savoir que, pour aller très très vite évidemment, hein, mais les féministes jusqu'à présent peut-être ont pu jeter l'ensemble de cette articulation. Évidemment que les femmes ne sont pas plus proches de la nature que les hommes. Et évidemment que la nature n'est pas plus proche, Et c'est pas ce que font les écoféministes. Pourquoi ? Il me semble, en tout cas, c'est en cours. Hein, moi aussi, je pense que j'ai pas fini de comprendre non plus ce qu'elles ont fait. Mais moi, les deux points qui m'ont semblé éclaircir ce geste-là tenaient aux choses suivantes, à savoir que rejeter cette identification prenait le risque de se couper d'une grande partie des femmes. Puisque toutes les femmes ne sont pas forcément dans un rapport constructiviste ou un rapport super politisé à ces questions-là. Et donc, évidemment, en tout cas, c'était leur expérience aussi au moment où elles étaient dans ces mouvements antinucléaires, beaucoup de femmes pouvaient avoir un type de discours, un type de langage qui pouvait être proche de ce qu'on aurait pu, de ce qu'on pourrait supposer ou prêter à un discours qui relèverait d'une forme d'oppression, de patriarcat, etc. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible qu'un mouvement féministe se construise en se coupant de la majorité des femmes. Donc il faut trouver une façon de désarticuler ou de réarticuler cette affaire-là qui ne se coupe pas d'elle. Et la seconde raison, évidemment, qui est peut-être plus évidente, mais qui est tout aussi décisive à mon sens, c'est leur attachement forcément aux questions environnementales. Et peut-être que si les féministes ont pu à un moment donné se couper de cette articulation-là, c'est que finalement elles s'intéressaient c'est pas rien, à l'émancipation des femmes, mais sans avoir forcément nécessairement d'intérêt particulier pour les questions environnementales. Et pour elles dire, non, les femmes ne sont pas du côté de la nature, on va jeter, on va séparer les deux. Alors certes, on pourrait dire on sauve les femmes de cette façon-là, on va les dénaturaliser, sauf que, évidemment, au moment où on dit ça, on entend au même moment, a priori, le fait qu'on a une conception, on pourrait dire pour le coup, négative ou naturalisante de la nature. Alors, je ne sais pas si je suis très claire de cette façon-là. Et donc, ce qui les intéressait, c'était de reclaim à la fois tout ce qui a été mis du côté des femmes historiquement, sociologiquement, à savoir la question des émotions, la question du soin, de l'attention, considérant que ce n'était pas forcément des choses qui relevaient des femmes par essence. En revanche, c'était un ensemble de pratiques politique, individuelle, personnelle, qui était absolument fondamentale pour changer le monde. Et d'autre part, évidemment, reclaim la nature parce qu'elles considèrent qu'elles font partie de ce monde-là et que elles sont dans un mouvement environnemental qui est complètement sidéré par la destruction du monde et qui cherche à transformer aussi notre façon d'avoir une prise sur cette question-là. Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est une façon aussi de vouloir retourner un double stigmate ? C'est-à-dire le stigmate de la femme, ou en tout cas ce que le patriarcat en a fait, la femme comme être inférieure et dominée, et les stigmates rattachés à la nature vue par la modernité comme effectivement quelque chose de contingent, dont il faut se protéger, voire se débarrasser. Oui, on peut tout à fait le dire comme ça, mais le fait d'insister dessus montre toute la complexité du problème. D'une certaine manière, ce qu'elles ont pu dire de cette façon-là, même si encore une fois, ce sont pas du tout des textes académiques ou particulièrement théoriques, donc c'est pas exactement leur propos en tant que tel de faire ce genre de discussion académique, mais par rapport à d'autres féministes, l'une d'entre elles qui s'appelle Arielle Salé, qui est une écoféministe australienne, qui a un texte aussi dans l'anthologie, le dit, je trouve remarquablement bien, à savoir que En fait, les femmes sont dans une sorte de double bind, elle dit. À savoir que si on veut s'émanciper, alors on est obligé de se couper de soi-même, de son corps et de la nature. Ou alors, si on ne veut pas s'en couper, alors on se retrouve à soi-disant, être aliéné. Mmh. Comment on fait pour à la fois lutter culturellement, politiquement, etc., pour une émancipation et un rapport à la nature, que ce soit pas un rapport de destruction, tout en se coupant pas physiquement, émotionnellement, de soi-même, de son corps, comme aussi du monde vivant dans lequel on est et auquel on appartient. Alors, on entend bien, à la fois dans ce que vous dites là et dans ce que vous écrivez dans l'introduction, que donc, dans tous ces textes et dans tous ces mouvements, il y a une critique forte du capitalisme, du patriarcat, du productivisme, de différentes manières. Mais est-ce que pour autant, vous diriez que ces écoféministes défendent un autre système, une autre manière d'organiser le monde ? Elles critiquent des systèmes de pouvoir. Est-ce qu'elles proposent une alternative ? Est-ce qu'elles ont en commun de proposer une alternative à ces systèmes de pouvoir qu'elles critiquent ? Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Je dirais à la fois... Votre question me fait penser à une citation de l'une d'entre elles qui s'appelle Starwo, qui est une des grandes activistes écoféministes de ce mouvement-là, et qui disait dans je ne sais plus quel texte, mais enfin je crois que c'était dans Révèle obscur, que les écoféministes ne cherchaient pas à prendre le pouvoir, mais qu'elles cherchaient à se débarrasser du type de pouvoir de ceux qui étaient au pouvoir. Et donc, en ce sens-là, c'est une façon de répondre en partie par la négative à votre question. D'un autre côté, que ce soit à travers tout l'imaginaire qui a accompagné et qui accompagne encore l'écoféministe, c'est-à-dire, quand je dis imaginaire, c'est aussi bien type de vision qu'elle pouvait avoir dans une culture des années 70, qu'elle pouvait essayer de produire ensemble, mais aussi dans tous les textes qui ne sont pas du tout, qui font pas du tout partie de cette anthologie, mais qui font partie de ce mouvement-là, qui sont des textes de fiction, de science-fiction notamment. Il y a plein de textes de science-fiction écoféministes qui ont été écrits notamment en partie par les mêmes, hein, et qui sont des textes qu'il faut prendre au sérieux théoriquement et politiquement au même titre que les autres, puisque c'est une façon de renouveler justement l'imaginaire d'un autre type d'organisation sociale, d'un autre type d'éthique, un autre type de politique, etc. Qu'en ce sens-là, voilà, on pourrait aussi aller de ce côté-là pour considérer que elle, clairement, faut penser à un autre monde. Alors, on va continuer notre balade dans cet imaginaire écoféministe avec la lecture d'un deuxième extrait de texte qui s'appelle « Une question stupide » et qui a été écrit par Suzanne Sachs. Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne ? La révolte de l'herbe contre le ciment ? La rébellion du pissenlit ? Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ? Ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées ? Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance ? Qui mène la révolution de la terre ? Enquêtez sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accusez le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuez au débordement de la rivière. Arrêtez la mouette pour vol illégal. Décrétez une frontière pour enfermer la mer. Demandez à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Alors c'est un court extrait, mais ce texte, Émilie H., pourquoi l'avoir choisi dans cette anthologie écoféministe ? Parce que, pour réinsister sur, tout d'abord très rapidement sur la première question que vous m'avez posée au départ, c'est que je tenais vraiment à ce que cette anthologie soit nourrie de poèmes qui font intégralement partie, encore une fois, de cette tradition-là. Il n'y a pas, je crois pas, une seule anthologie de textes écoféministes que j'ai pu lire en langue anglaise, sauf une ou deux que j'ai trouvées vraiment d'anthologies très académiques, dans lesquelles il n'y a pas de poèmes. Toutes ces anthologies sont nourries de ces poèmes ou de petites nouvelles de fiction, au milieu de textes théoriques, mais aussi de textes en effet en partie thérapeutiques. Voilà, il y a une vraie volonté transdisciplinaire, si on veut, pour essayer de répondre voilà, à la question qui est, on pourrait le dire de cette façon-là, la question telle qu'elle la pose, ça serait comment on en est arrivé là et comment on peut faire pour en sortir. Et c'est pas en simplement en allant chercher un petit bout de philosophie ou un petit bout de je sais pas quoi qu'on va pouvoir s'en sortir pour elle, mais c'est vraiment en essayant de repenser l'ensemble et la totalité de notre culture, et notamment pour elle, ce point qui est structurant dans notre culture occidentale, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, à savoir ce dualisme nature, culture, et que l'on peut décliner évidemment de manière quasi infinie, à savoir d'un côté les femmes, d'autre côté les hommes, d'un côté les émotions, d'autre côté la raison, etc. etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans le poème que vous avez cité, elle parle, je crois, elle utilise ce terme de tisser. Oui. Et qui est, alors ça c'est tisser la toile, tisser des liens, enfin, c'est quelque chose qui revient aussi bien dans les textes écoféministes que dans les actions politiques écoféministes. Et il me semble que, enfin, Suzanne Zaks était une militante féministe radicale qui a été aussi emprisonnée par ailleurs parce qu'elle a braqué une banque et qu'elle a, je pense, écrit ce texte pendant... elle était recherchée par le FBI pendant plusieurs années, elle s'est donc cachée, et a priori dans des communautés féministes lesbiennes radicales, et c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle a écrit ce texte-là. Oui, elle s'adresse en fait à un agent du FBI, ouais, potentiellement, qui chercherait à connaître qui est la chef de ton réseau. Voilà, et elle parle de ça, et c'est tout à fait typique de ce mouvement-là dans tout son bouillonnement. Ça me fait penser notamment à une des grandes actions... Féministe qui est peut-être la plus célèbre, en tout cas une de celles qui donne vraiment le ton à ce mouvement-là, qui était une action qui s'appelait la Women's Pentagon Action, qui a eu lieu en novembre 1980, pour la première, suite à une conférence de plusieurs de ces femmes-là, qui a donné lieu à un texte absolument incroyable qui s'appelle une déclaration d'unité, dans lequel elles expriment tout ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles ne souhaitent plus, comme monde, comme type de, comme rapport aux autres, comme rapport aux vivants, comme rapport aux émotions, etc. Donc cette grande action écoféministe, dans laquelle elles se sont trouvées finalement 2000, ce qui n'est pas complètement rien, je souhaiterais aujourd'hui qu'on soit 2000 à une action écoféministe en France, à aller encercler le Pentagone, donc le lieu par excellence du pouvoir militaire. Et cette action était ponctuée par différentes étapes dans lesquelles elles ont mis l'accent sur la question des émotions, parce qu'il y avait une étape ponctuée par des grandes marionnettes qui symbolisaient, qui exprimaient un petit peu les différents moments de cette action-là. Il y avait d'abord l'étape du deuil, dans lequel elle se recueillait auprès de toutes les femmes mortes de cette culture mortifère. Ensuite, seconde étape qui était l'étape de la colère, puis l'étape d'empowerment, et enfin une étape de défi. Et dans l'étape de défi, elle tisse avec du fil de laine, avec des, comme on utilise pour tricoter des pulls, ou voilà, avec du fil qu'on utilise pour enrober des, je sais pas quoi, des paquets pour la poste, etc. Les portes du Pentagone, avant même d'avoir au départ tissé entre les portes du Pentagone, dans lesquelles elles accrochent tout le long du Pentagone tout ce à quoi elles tiennent, qui pour elles compte plus que ce pouvoir-là, à savoir aussi bien des images de nature, des photos de leurs enfants, des photos de personnes, etc., etc., et qu'elles utilisent avec ce fameux fil, qui est une façon aussi très simple, très poétique, de revenir sur, de retisser ensemble tout ce que ce dualisme, cette culture de la mise à distance et dualiste a séparé. On peut citer d'ailleurs à cette occasion un autre mouvement, alors qui lui avait eu lieu en Angleterre, qui est celui de Greenham Common, qui a été l'occupation pendant près de 20 ans par des femmes d'un camp militaire où étaient stockés potentiellement des missiles, en pleine guerre froide également, et qui a fait également l'objet d'un livre dans la même collection que vous publiez votre anthologie, la collection Sorcières des éditions Cambourakis. Et cet autre livre sur Greenham Common s'appelle « Des femmes contre des missiles ». Je ne sais pas si ces femmes se considéraient comme des écoféministes, mais en tout cas, on voit qu'on est dans un imaginaire commun. Et d'ailleurs, elles aussi, à certains moments, ont tissé, ouais, si je me souviens bien, des toiles d'araignée, en quelque sorte, sur les murs et les grilles de la base militaire qu'elle combattait. Alors, il y a quand même un aspect qu'on n'a pas évoqué autour de l'écoféminisme jusqu'à présent, Émilie Hache, et c'est ce que vous décrivez assez longuement et expliquez assez longuement dans votre introduction, c'est le fait que ça a aussi été un mouvement extrêmement critiqué. Un courant intellectuel et un mouvement politique, vous dites rarement des courants ont été aussi critiqués que l'écoféminisme l'a été. Pourquoi une telle haine contre ces écoféministes et quels étaient les ressorts principaux de ces critiques? Je dis ça effectivement, mais je le dis du point de vue de l'académie. Avant cela, je dirais qu'avant d'avoir subi un certain nombre de critiques sur lesquelles évidemment je vais revenir, il a été... je dirais plus largement ignoré, ce qui est une autre forme de violence qu'on peut également lui faire, et c'est pas le seul. Enfin, ça fait voilà, il y a d'autres mouvements, un autre dont je parle aussi, qui est un mouvement de contemporain aussi, donc qui fait partie de cette sphère plus large avec féministe, qui s'est appelé le mouvement des Women's Land, de ces communautés de femmes lesbiennes qui allaient à la campagne dans le monde rural, pardon, pour voilà, avec un geste séparatiste très fort, bon voilà, qui est complètement passé à la trappe de nos mémoires. Bon, donc dirais plutôt que le premier type de critique, c'est une forme d'ignorance crasse, mais qui s'explique aussi par, il me semble, beaucoup de facteurs liés, de manière générale, à tous ces mouvements féministes dont on a du mal à avoir, qui posent la question de la transmission, de manière plus générale, des mouvements féministes. Ensuite, en effet, il a été... alors, comment le dire de façon simple, peut-être après cette période de mobilisation et d'occupation qui a duré pendant toutes les années 80, suite à la fin de la guerre froide aussi, au début des années 90, même si on est toujours dans une menace nucléaire, mais enfin, c'est plus exactement du même ordre, aussi présente qu'elle pouvait, elle, le connaître. L'écoféministe, finalement, est rentré très largement aussi à l'université. Ça ne veut pas dire que les écoféministes ou des militantes écoféministes sont complètement disparus, mais ce mouvement-là est devenu un objet de recherche et d'intérêt pour l'académie. Et effectivement, à ce moment-là, c'est opéré, en tout cas tel que ça s'est fait pour l'académie à un moment donné, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit aussi en France, qui est encore plus problématique, mais de réceptionner ou d'intégrer ce mouvement politique à l'intérieur de leur champ a été, en effet, de commencer par une sorte de tri entre ce qui pouvait être acceptable, audible dans l'académie et puis ce qui ne pouvait pas forcément l'être. Et en ce sens-là, il y a eu, il me semble en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, l'écoféminisme c'est très largement traduit, notamment en philosophie qui est ma discipline, par le fait de une forme de dépolitisation, le fait d'en faire plus une forme d'éthique, de la présenter comme une des éthiques parmi d'autres environnementales. Mais toute la dimension, notamment spirituelle, dont on n'a pas encore parlé, oui. Ça, je ne sais pas si on en parlera, mais qui était très fort dans l'écoféminisme, toute la question effectivement d'un engagement politique à l'égard de textes qui n'étaient pas du tout des textes académiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des universitaires par ailleurs dans ce mouvement-là. C'était des universitaires qui étaient en même temps militantes et qui mettaient, pas un point d'honneur, mais en tout cas qui avaient un engagement politique à écrire, pas forcément d'une façon qui soit certes audible à tous, ça c'était très important, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était des textes moins théoriques que les textes académiques, mais ce n'est pas forcément le même type de langue d'écrit. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été faites, très fortes, sur notamment la question du spiritualisme, sur ce type de textes qui en fait étaient des textes qu'elles ont considérés comme n'étant pas des textes académiques, n'étant pas véritablement des textes très intéressants à lire. C'est-à-dire pas très théoriques, pas publiés dans des revues théoriciennes, scientifiques, qui auraient été des instances de légitimation. Tout à fait. Et la troisième raison, qui était liée à ce dont on a déjà commencé un petit peu à parler, qui est la grande objection, qui est pour moi le grand contresens qu'on a fait à l'égard de l'écoféminisme, qui serait de les accuser d'essentialisme. Oui. Donc les trois en même temps, voilà, il y avait une façon d'intégrer cette affaire-là dans l'académie, mais tout en disant, alors en revanche, l'écoféminisme auquel on s'intéresse, il n'est pas spiritualiste, il n'est pas essentialiste, il n'est pas etc. Et donc ça a été des critiques très fortes, au point que jusqu'à il y a finalement peu de temps aussi en France, notamment dans le champ en tout cas universitaire, dès qu'on abordait ce mouvement-là, il fallait immédiatement, on va dire, montrer patte blanche en disant, alors évidemment, je ne parle pas du mouvement qui serait possiblement spiritualiste ou essentialiste, etc. Alors, ce qui fait peur dans l'essentialisme, c'est l'idée de dire femme égale nature, quoi. C'est-à-dire que justement, ce contre quoi toute une partie des féministes se sont battues, enfin, ils se battent encore, en l'occurrence, c'est-à-dire cette association entre femme et nature. La femme serait plus proche des animaux, des végétaux, de la lune, donc serait inférieure à l'homme. Il y a certaines personnes qui entendent dans l'écoféminisme la volonté de dire cela, c'est-à-dire de s'essentialiser et de s'essentialiser d'une manière un peu primitive en quelque sorte, enfin en tout cas avec des guillemets. Et vous, ce que vous dites dans le livre, ce que vous défendez, c'est que pas du tout, c'est beaucoup plus pluriel que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est ce geste du reclaim que vous décriviez au début, et en même temps, c'est pas non plus complètement absent. C'est là où on est face à un sujet qui est complexe, mais qui est intéressant, qui est vivant aussi pour cela. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dimensions, des tentatives de vouloir essayer de trouver, pas une essence, mais un regard, une pratique liée à une expérience de genre. Oui. Starhawk, par exemple, si on pense à Starhawk, qu'est-ce qu'elle a pu écrire sur la revendication de l'histoire de la sorcellerie, des pratiques sorcières, on est vraiment dans une approche qui tire de ce côté-là. Oui et non. Non, je suis pas d'accord. Dans le sens où il me semble, en tout cas, encore une fois, pour le coup, ça n'empêche pas évidemment qu'il y a matière à discussion. Je suis plutôt assez isolée, en tout cas, peut-être pour le moment, dans ma façon de comprendre ou de relire ces textes-là. Mais le point de départ de cette recherche, c'était ça. C'était que, en étant une philosophe qui s'intéresse aux questions d'écologie et qui, par ailleurs, voulait donc m'intéresser aussi par engagement féministe personnel à ces textes-là, d'aller lire ces textes qui étaient catalogués, mais tous les textes qui font partie de ce volume-là, comme étant essentialistes. Sauf qu'en général, on l'écrit, mais j'ai l'impression qu'on ne lit pas ces textes-là. En tout cas, les textes qui accusent l'écoféminisme d'essentialisme ne font pas forcément référence non plus énormément à des textes. On parle en général d'un essentialisme supposé ou évident de ces textes-là, ou alors on va citer toujours les mêmes extraits de textes qui, effectivement, sortis d'un certain contexte, bon, enfin, ça semble, enfin, relève de tout ce que vous venez de dire. Et moi, il m'a semblé, en effet, à lire, relire et relire encore, et je n'ai pas du tout fini, et je trouverai certainement d'autres choses encore, peut-être plus tard, et voilà, ces textes-là, il me semble que non. Il me semble que ces textes, ce qui est très compliqué à comprendre, et ce qui peut, de fait, en effet, bien sûr, quand même, donner matière à discussion, le point de moins de désaccord, encore une fois, que de mécompréhension ou de contresens, c'est le fait qu'elles, à un moment donné, elles ont « reclaim », pardon, à la fois notre rapport au vivant, et en effet, et le lien, alors certes, des femmes à la nature, mais c'est pas seulement des femmes à la nature, ça serait des êtres humains aussi à la nature. Ouais. Et je suis pas en train, à l'inverse, de vouloir enlever cette dimension-là. Ce qu'elles ont essayé de faire, c'était de prendre le reclaim, c'est prendre le contre-pied. Ouais. Le fait de vouloir distinguer les deux n'est pas satisfaisant à aucun moment, ni individuellement, ni politiquement, parce que finalement, on se retrouve, en gros, pour aller très vite, dire finalement, les femmes sont des hommes comme les autres. Voilà, ça serait ça, une façon de refuser cette articulation négative qui court pendant toute la culture capitaliste, mais même pré-capitaliste et plus généralement patriarcale. Ça serait ce point-là d'articulation négative. Et quand on veut s'en sortir, alors la seule façon de s'en sortir, c'est surtout de dire bah non, mais moi je suis super pas proche de la nature, je suis super proche de la raison, moi les émotions je m'en fiche, je suis une femme et je m'en fiche, etc. Et elle, à un moment donné, se dit mais là, on perd, on se fait avoir si on fait ça. Parce que le problème, c'est comment on fait pour ne pas choisir entre les deux, pour ne pas perdre l'ensemble de ce qui a été mis du côté de la nature, l'ensemble de ce qui a été mis du côté des femmes, sans pour autant le naturaliser ou l'inférioriser, etc., etc. Et c'est ce geste-là, à mon sens, qui est le point crucial sur lequel on n'a pas compris, qui a été à l'origine de cette accusation d'essentialisme. Et la seconde chose, il me semble que l'autre raison qui est tout aussi importante pour comprendre, en tout cas, c'est par là que je suis passée, pour comprendre ce contresens à l'égard de ces textes, c'est le type de texte, c'est le type d'écriture qui a pu, il me semble, expliquer aussi pourquoi elles ont été si facilement accusées d'essentialisme. À savoir, encore une fois, ce ne sont pas des textes théoriques, au sens académique du terme, premièrement. Deuxièmement, et c'est ce qui me semble le plus important pour le comprendre aussi, ce sont des textes politiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui sont simplement dans une critique. Il y a une analyse critique très forte, très large, très puissante, qui a été reprise des dizaines de fois sur cette culture dualiste. Mais pour elle, ça c'est un point de départ. Mmh. Ce sont pas des analyses, des théoriciennes, elles s'en fichent d'une certaine façon. Ce qui les intéresse, c'est comment on fait pour en sortir. Donc tous ces textes sont à la fois des textes qui partent d'une certaine manière de cette critique-là, mais pour proposer quelque chose. Et comment on fait pour se réapproprier son corps, se réapproprier un rapport à la nature qui a été complètement détruit, qui a été complètement disqualifié, si ce n'est par des tentatives parfois d'écriture qui peuvent être en effet ou bien maladroites, ou bien, et c'est ce qu'elle revendique aussi pour certaines, relevées, on va dire, d'un essentialisme stratégique. Donc ce qui n'est pas du tout pareil qu'un essentialisme au sens, au premier degré, qu'on a pu leur reprocher. Et quand on lit ces textes, ça me semble vraiment extrêmement difficile de continuer à leur faire cette accusation-là. Alors, un troisième et dernier extrait de ce recueil « Reclaim ». Qu'est-ce qui nous permet de ressentir de la peine pour notre monde? Et qu'est-ce que nous découvrons lorsque nous cheminons à travers cette peine? À ces deux questions, il existe une seule réponse, l'interconnexion avec la vie et avec tous les autres êtres. C'est le réseau vivant à partir duquel notre individu, nos existences distinctes, se sont érigées et dans lequel nous sommes entrelacés. Nos vies se déploient au-delà de notre peau, en interdépendance radicale avec le reste du monde. Alors, c'est un texte de Joanna Macy. Je l'ai choisi parce qu'il me semble qu'il décrit finalement assez bien ce mouvement de reclaim, en tout cas une manière de le comprendre ou de le défendre, c'est-à-dire l'idée du lien, de l'interconnexion, et de manière aussi assez sensuelle. Elle parle de peau, elle parle d'être enlacée. Il y a une dimension physique assumé qui montre bien qu'on est très loin en effet de textes académiques classiques. Ça m'amène à une question peut-être de nature un peu plus littéraire. puisque vous avez fait le choix de tous ces textes pour ce livre. Est-ce qu'il y a un style, vous diriez, un peu commun à ces textes écoféministes? Est-ce que, par exemple, on voit revenir dans ces textes la question des émotions, la question des émotions, y compris physiques, oui. Et à cette volonté, semble-t-il, de vouloir renverser la mise à distance, quoi. Considérer que le système capitaliste patriarcal, etc., il est dans la mise à distance. Et là, on n'est pas dans la mise à distance, donc on est dans une forme de célébration, en tout cas d'acceptation des affects, des émotions, des sentiments. Est-ce que ça, c'est une de leurs particularités stylistiques? Oui, j'avais un temps d'hésitation lié au fait que je ne suis pas littéraire et que répondre de manière, d'un point de vue technique littéraire sur le style d'un style commun de ce texte, j'avoue que je serais pas forcément la mieux placée pour le faire. Maintenant, outre tout ce qu'on a déjà raconté précédemment sur effectivement une sorte de style commun qui serait déjà pas un style universitaire, un style politique, j'irai pas forcément plus loin parce que, il y a une tonalité. Il y a une tonalité qui, il me semble, les rapproche maintenant avec dans des sphères et dans des types de disciplines archi différentes. J'ai essayé aussi un tout petit peu de rendre compte de cela dans cette anthologie. Il y a des poèmes, de la poésie en prose, il y a aussi évidemment des textes théoriques, il y en a plein, ça n'empêche. Il y a des textes théoriques et politiques, il y a des textes qui seraient, des textes d'histoire des idées, des textes d'histoire des sciences, il y a vraiment un espèce de bouillon de culture de cet ordre-là. Ensuite, le texte que je choisis, c'est un texte que j'adore, même si je pourrais dire ça de chacun de ces textes, j'imagine, mais il rend tout à fait compte, en effet, de ce qu'elle propose, et ça me semble très intéressant de l'avoir choisi, dans le sens aussi où, je vais en arriver à ce que la citation que vous avez faite, mais je vais en profiter pour un tout petit peu parler du texte en amont, parce que c'est effectivement un texte, c'est un des rares textes, à mon sens, qui réussit aussi bien à rendre compte et à expliciter peut-être un des points cruciaux pour elle politiquement de blocage et qui explique plutôt la situation dans laquelle on est. Et elle le situe, en effet, dans ce rapport aux émotions tout à fait particulier dans une culture qu'elles appellent, comme vous l'avez rappelé, de mise à distance, qui est cette culture où on donne une priorité absolue à une raison, mais à une raison très desséchée, où on considère que l'intelligence doit peut-être s'opposer à la question de la sensibilité, tout ce genre d'opposition qui pour elles n'ont absolument aucun sens, mais qui ont des effets et des conséquences politiques, en revanche, absolument dramatiques. Et tout ce texte de Joanna Macy est organisé, essaye de répertorier toutes les raisons qui nous amènent à ne pas être capables de, collectivement, individuellement et collectivement, de prendre au sérieux le type de lien que l'on peut avoir, en effet, avec le vivant de manière, on va dire, plus générale. Elle va le chercher dans cette culture, en effet, de la mise à distance, dans laquelle le rapport à nos émotions est super compliqué à savoir. Elle répertorie, pour le dire très simplement, toutes les peurs que l'on peut avoir à oser dire publiquement, explicitement, et la façon dont c'est complètement disqualifié, le fait qu'on peut être extrêmement, comme elle le dit, peiné pour la Terre. Elle le dit dans les années 80, au moment notamment de cette menace nucléaire absolument incroyable. Mais aujourd'hui, face à la crise climatique, ça me semble pas exactement complètement à côté de ce qui se passe. À savoir peur de souffrir, à savoir reconnaître nos peurs. On a peur que plus on les dit, plus on dit nos peines et plus on va en souffrir. Peur de faire souffrir. Peur de paraître stupide, évidemment. Peur, c'est dans un contexte américain, de paraître anti-patriotique. Mais peur aussi d'être accusée de sur-émotivité. Et elle donne plein d'exemples, plein de témoignages autour d'elle, etc. De personnes qui disent, moi j'ai arrêté de dire que je suis complètement angoissée à l'idée de ce qui se passe pour la Terre. Parce qu'on me dit, mais c'est quoi ta névrose? Quel est ton problème avec ton père? Je sais pas quoi. Et donc c'est aussi lié à tout un mouvement d'éco-psychologie qui est contemporain et proche de l'écoféminisme. Mais pour elle, c'est un problème politique. Que de pouvoir réintégrer dans l'espace public, comme ces écoféministes l'ont fait au moment de cette action dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir ces grandes poupées de la colère, de la tristesse, etc., c'est exactement la même chose, c'est-à-dire remettre dans l'espace public à la fois des émotions propres, soi-disant propres aux femmes, mais à tout le monde. Et un des gestes, pareil, de Reclaim, c'est Reclaim nos émotions, mais parce que ça a des effets politiques. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'entendre un homme politique, une femme politique, de les voir pleurer à un moment donné, de redonner une valeur à ces émotions-là en politique? Et est-ce que ça aurait des effets contre une forme de paralysie, d'indifférence ou de déni, etc., notamment vis-à-vis de la crise climatique dans laquelle on est aujourd'hui? En tout cas, la lecture de ces textes fait des effets. Ça, c'est très certain sur ces lectrices et ces lecteurs par toute la puissance de description, d'émotion dont on a essayé de rendre compte par ces quelques lectures. Mais merci beaucoup, Émilie Hache, d'être venue nous parler de ce livre. Donc, Reclaim, recueil de textes écoféministes. À très bientôt sur Mediapart. Et donc, vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin. Et aujourd'hui, c'est sur le thème de l'écoféminisme. Et on vient d'entendre une interview par Jade Lingart, journaliste à Mediapart, de Emily H., qui a choisi et présenté le recueil de textes écoféministes intitulé Reclaim, qui a été publié aux éditions Cambourakis en 2016. Voilà donc un livre de 400 pages environ. Il y a 16 textes, plus les présentations des différents auteurs qui ont été choisis dans ce recueil. Et effectivement, comme le dit Jade Lingart, ça donne une assez bonne idée de la diversité du mouvement écoféministe américain et anglo-saxon aussi d'ailleurs. Et aussi, les lecteurs et lectrices assidus de Lire Déchaîné, la feuille hebdomadaire de Radio Zinzine, auront remarqué que j'ai passé aussi quelques articles autour de l'écoféminisme, notamment ceux de la sociologue allemande Maria Mies. Voilà, il y avait la perspective de subsistance et patriarcat et exploitation dans l'économie mondialisée. Ils sont disponibles ainsi que d'autres textes sur demande à Radio Zinzine. Et j'ai mis dans le descriptif de cette émission qu'on trouve sur le site de Radio Zinzine le lien vers ces textes en ligne. Parmi les autres livres malheureusement assez rares sur l'écoféminisme qui sont disponibles en français, on pourra trouver justement de Maria Mies et Vandana Shiva Écoféminisme. C'est un recueil de textes qui date des années 1993, qui a été traduit aux éditions, traduit et publié en français aux éditions L'Harmattan dans la collection Femmes et Changement. C'est un ouvrage aussi d'environ 360 pages. Maria Mies et Vandana Shiva, donc Maria Mies qui est sociologue du côté de Cologne et Vandana Shiva qui est d'origine indienne évidemment et qui a participé à la lutte contre les OGM au début des années 2000. Elle a aussi participé à un certain nombre de choses autour de la défense de l'environnement en Inde, notamment autour de différentes ethnies indiennes. Et voilà, ce recueil, là aussi, essaye d'articuler la lutte des femmes dans le tiers-monde pour la préservation de l'environnement et pour leur propre indépendance avec celle des nations occidentales, et notamment en Allemagne avec Maria Mies. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Voilà, on revient donc sur les petits textes que j'avais publiés dans L'Air Déchaîné, notamment La Perspective de Subsistance, qui est en fait, ce petit texte est une présentation très rapide d'un ouvrage plus étendu, qui s'appelle lui aussi La Perspective de Subsistance, au-delà de l'économie globalisée. Malheureusement, ce livre est uniquement disponible en anglais et en allemand. J'ai commencé avec une amie qui connaît mieux l'anglais que moi. On a commencé à faire une traduction de quelques chapitres de cet ouvrage qui est assez intéressant puisque Maria Mies, qui est une des autrices, avec Veronica Benolt-Thompson, qui est professeure d'économie. Elle est du côté de Vienne. Donc ces deux auteurs, à travers la perspective de subsistance, essaient d'articuler différents aspects de la critique du monde moderne, notamment la critique du capitalisme, du développement industriel, du salariat, de la marchandise, de l'industrie et de la technologie et de la science aussi. Et bien sûr, du patriarcat, autant d'ailleurs que des féministes postmodernes, puisqu'il y a un chapitre particulièrement consacré à l'évolution du mouvement écoféministe en Allemagne, où visiblement il y a eu quelques bisbilles entre les féministes postmodernes et les écoféministes que représentent ici Maria Mies et Veronica Benolt-Thompson. Donc voilà, un petit ouvrage intéressant. Pour l'instant, on a traduit environ 140 pages sur 250 de la version anglaise. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à Radio Zinzine. Je peux vous en envoyer un exemplaire. Donc, la perspective de subsistance, juste peut-être un petit extrait du texte court que j'avais passé dans Lire Déchaîné. Beaucoup de gens nous demandent ce que nous entendons par subsistance. La subsistance est l'opposé de la production de marchandises. La production de marchandises est le but de la production capitaliste. En d'autres termes, toute production doit être transformée en marchandise. Il est possible d'observer ce phénomène aujourd'hui, spécialement dans la course à la mondialisation. La production de subsistance obéit à un but entièrement différent, à savoir la satisfaction directe des besoins humains. Pour nous, il est tout à fait essentiel qu'il s'agisse d'une production et d'une reproduction directe de la vie. C'est pour cela que nous parlons de production de la vie, plutôt que de production de marchandises. Voilà donc la perspective en fait que défend Mariamise. C'est essentiellement donc la réhabilitation de l'autoproduction, de la production de ce dont les gens ont besoin directement par eux-mêmes, donc afin de sortir du capitalisme. C'est assez ambitieux, mais c'est malheureusement la voie qui s'impose quand on veut faire pièce justement à la mondialisation, à la transformation de toutes les nécessités de la vie en marchandises et la normalisation industrielle aussi de toutes les activités. Donc voilà des perspectives très intéressantes, en tout cas à mon sens. Et voilà, qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, notre texte qu'on ne trouve pas sur internet d'ailleurs, qui s'appelle la déclaration de Komiya, Komiya qui est une ville du Bangladesh, où s'est tenu un rassemblement de femmes, je crois que c'était en 1989. Elles ont sorti un texte qui peut être considéré comme une sorte de manifeste féministe contre la PMA, la procréation médicalement assistée. Voilà, ce texte a été traduit et publié en français dans la revue L'Inventaire numéro 7, qui est publié aux éditions La Lenteur. Donc vous pouvez vous la procurer dans toutes les bonnes librairies. C'est assez intéressant puisque cette déclaration de Komiya pointe le fait que le développement de la génétique et de l'ingénierie reproductive considère le monde et notamment les êtres vivants et le corps des femmes comme une machine. Donc et là aussi il y a une critique assez virulente de l'être vivant comme machine. Et donc, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.